Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. Nous sommes en 2018, et tout d'abord pour commencer, bonne année, hein, comme le veut l'usage. La mécanique des ondes reste fidèle au poste sur Fréquence Protestante en 2018, année qui démarre avec une nouvelle incarnation vocale, qui est la mienne, vous l'aurez constaté. Je suis Eddy, je possède désormais les clés de cette belle émission que je vais mener avec autant de passion radiophonique que Cécile qui m'a précédé derrière ce micro, et que je salue et remercie en passant. Et au second micro de ce studio, il y a mon premier invité, qui a démarré la radio ado, sur une radio qu'il était tout autant, ado, c'est son nom. Aujourd'hui, sa crise d'adolescence est passée, celle de sa radio aussi. Pour preuve, Ado a changé de nom pour Swig. Mon invité, lui, avait déjà alors changé de studio pour un autre plus ensoleillé et muy caliente. Mon invité se nomme Florian. Bienvenue dans la mécanique des ondes. Eh ben merci beaucoup. Bonjour et bonne première à vous aussi. Eh ben merci. C'est un petit peu le trac, mais ça va bien se passer. Alors Florian, bonjour. Bonjour, bonjour. Tout ce que j'ai dit là en intro était assez synthétique de votre parcours. Vous allez nous en parler plus en détail. Mais tout d'abord, pour commencer, la première question qui est une tradition de la mécanique des ondes. Vous êtes aujourd'hui au micro d'une radio associative. Est-ce que c'est quelque chose qui vous rappelle des souvenirs ? Ah mais carrément. Moi, j'ai démarré dans une radio vraiment associative pure et dure. C'était Ado FM, la radio sur laquelle j'ai évolué par la suite, mais qui a été l'une des premières radios libres et associatives à partir de 1981 à Paris, en région parisienne. Et moi, je suis arrivé en 1996. C'était les derniers temps de cette époque, mais c'était vraiment route. C'est-à-dire que j'ai fait de la radio en 1996, comme ils en faisaient en 81, dans les mêmes locaux, avec le même matériel, avec une vieille console. Et donc, du coup, j'ai vécu, 15 ans après, ce que certains ont vécu, en tout cas, au tout début des radios libres, pendant quelques mois. Et les locaux, justement, étaient assez pittoresques. Ah, mais vous pouvez encore voir, et ça a été un peu retapé, mais c'est à Denfert Rochereau, dans une rue qui s'appelle la rue Gassendi. Si vous passez par là, 24 bis rue Gassendi, c'est une cabane, il n'y avait pas de toilette. On grimpait au studio par une échelle. Ça faisait un peu peur aux invités, parce que c'est quand même du beau monde qui venait parfois. C'était vraiment une belle radio associative avec plein d'émissions, toutes sortes d'émissions, toutes sortes de styles musicaux et tout ça. Mais c'était vraiment la radio associative très bien faite, quoi. Alors, vous me dites, si jamais je me trompe, mais Ado FM, pour présenter brièvement ce qu'était le concept de cette radio du temps où c'était associatif, c'était, comme le nom l'indique, une radio faite pour des ados, par des ados. Par des 15-25, pour des 15-25. C'est une dame qui s'appelle Isabelle Da, qui avait fondé cette radio en 1981 et qui, est tombée malade malheureusement dans les années 90 et qui donc a commencé de son vivant à travailler la suite et à rencontrer les responsables qui ont par la suite repris la radio. Mais voilà, ouais, c'était vraiment une radio par des ados pour des ados et le concept était magique quand même. Et un concept avec une grille assez large pour avoir jeté un œil. Il y a eu pas mal d'émissions, il y avait toutes les musiques qui se croisaient. Ouais. Et puis c'était un vivier de talents aussi puisque j'ai remarqué qu'il y avait parmi les talents présents un certain Christophe Beaugrand. Ah ouais, on a démarré quasiment en même temps. Qui faisait une émission, alors le jeudi soir ça s'appelait Nitroglycérine. Ouais, je serais curieux de voir ce que c'était. Ah c'était franchement, c'était un peu déjanté. Il y avait déjà sa personnalité. Enfin, tout le monde savait que ce gars-là, il pouvait aller très loin, quoi. Il était très fort. On espère qu'il viendra ici pour nous en parler un jour, qui sait. Carrément. Et puis, ce que j'avais noté aussi, il y avait aussi un certain Jean-Luc Lemoine. Lui, c'était dans l'équipe du Top Has-Been. Ouais, tout à fait. Eux, c'était un peu l'émission phare de la radio. C'est de 22h à minuit mercredi soir. Et c'était, ils étaient un peu en avance sur leur temps parce que c'était le Top Has-Been. Voilà, c'était toutes les chansons des années 80, 70, qui revisitaient. Ils faisaient même des soirées Has-Been dans Paris, dans des boîtes. Et il y a eu des reportages sur eux à la télé. Ils étaient passés dans Tout est possible avec Morandini. Ils étaient passés dans La Grande Famille sur Canal+. Donc c'était un peu nos stars. Et donc c'était des mecs qui essentiellement venaient du théâtre et du café-théâtre. Et il y avait Jean-Luc Lemoine dans la bande, en effet. Plus quelques noms aussi qui ont commencé sur Ado FM à l'époque et qui y sont toujours aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Ou qui sont restés peut-être moins longtemps que vous. Il y en a qui ont démarré en même temps que moi, voire un peu avant, qui y sont toujours. Il y a Bertrand Lopin qui est rédacteur en chef et qui était déjà, je crois qu'il est arrivé en 94. Il y a Bess aussi qui fait la production maintenant, qui est plus à l'antenne mais qui a démarré, qui était animateur pareil. C'est vrai qu'en animateur, vraiment à l'antenne, je suis celui qui est resté pour l'instant le plus longtemps. Je suis resté 17 ans, mais il y a beaucoup de gens qui travaillaient autour aussi et qui sont toujours là. Et justement, en 17 ans, Ado a connu quand même une histoire avec pas mal d'événements. On va en parler tout au long du parcours que vous allez nous raconter, qui est le vôtre. Mais alors, juste pour commencer, pourquoi la radio ? Ça, c'est une question qu'on m'a souvent posée, que je me suis souvent posée. J'ai jamais eu la réponse vraiment exacte. Depuis que je suis petit, dès que j'ai vu un micro pour la première fois, mais bon, je crois beaucoup d'enfants, j'ai toujours eu envie de parler dans un micro. Après, j'ai découvert vraiment la radio. Mon premier poste de radio, mes parents écoutaient la radio, mais celui à moi, je crois que je l'ai eu à 7 ou 8 ans. Et mais c'est en feuilletant un peu les magazines et tout ça que j'ai commencé. Moi, j'ai commencé à écouter les radios vraiment périphériques, c'est-à-dire RTL, RMC, Europe 1, j'avais 8 ans. Et même pas sur les grandes ondes, non, sur la FM. Non, sur la FM quand même. La FM émettait à Paris déjà à cette époque-là. Ah bon, on sait jamais. Hein. Si on se perdant un petit peu en zappant, on tombe sur une radio musicale. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Mais bon, voilà. Et donc en fait, pourquoi j'ai regardé? Parce que j'ai regardé les programmes. À l'époque, dans les journaux, il y avait des quotidiens comme Le Monde et tout. Il y avait des programmes des radios, ce qu'il n'y a plus maintenant. Et donc, je voyais des noms que je connaissais de la télé, genre des Jean-Pierre Foucault, des Christian Morin, tout ça qui était sur RMC, Fabrice sur RTL. Et je me suis mis à écouter ces radios-là. Et en fait, je faisais du playback. J'avais une lampe sur mon bureau. Et donc, je parlais en playback comme si c'était un micro. Je mettais un casque aussi, un faux casque. Et je parlais en playback. Et après, peu à peu, je me suis mis à faire des fausses émissions dans ma chambre. Donc au début, parfois, je recopiais. J'écoutais la radio, j'enregistrais et je recopiais tout ce qu'il disait. Et je refaisais moi-même les émissions. Et puis après, je me suis mis à faire un peu mes propres émissions à l'adolescence, que j'étais le seul à écouter. Je faisais participer un peu mes amis aussi, quand ils venaient à la maison. Et c'est pas trop dur aujourd'hui de réécouter, vous avez conservé des extraits? Ouais, j'ai des trucs, mais vous les aurez jamais. C'est perso. Je prends note. Oh, j'avais pas muet, j'étais un enfant, il y a prescription. Et donc votre arrivée à Ado FM, à l'époque, justement, en 1996, ouais. Comment ça s'est passé? Eh ben, c'est très simple, c'était mon année du bac. Et depuis longtemps, j'avais envie de faire de la radio, mais bon, bien sûr, il y avait le fameux « passe ton bac d'abord » qui est un peu intégré dans beaucoup de têtes et que beaucoup de gens essayent de vous faire intégrer. Mais je m'étais dit, l'année d'après, je serai à la fac. Alors, je savais pas encore trop ce que j'allais faire à la fac. Bon, j'étais parti pour faire du droit, comme beaucoup de gens. Et je m'étais dit, faudrait que je me lance au moins dans une radio associative. J'aurai du temps le week-end, même peut-être pourquoi pas la semaine. Faudrait que je me trouve une radio. Et en février 1996, je crois par là, dans le journal Le Monde, il y avait un article sur cette radio, Ado FM, qui était encore dans ses heures radio associative faite par des 15-25 ans pour des 15-25 ans. Et ça a décrivé un petit peu ce qu'était la radio, les personnalités qui y étaient, les programmes qu'on y trouvait. Je me suis dit, franchement, je suis dans le truc. Je fais des émissions dans ma chambre, j'aurais peut-être la possibilité, sans aucune prétention, de proposer mes services. Donc j'ai appelé, j'ai demandé qui était le directeur d'antenne. On m'a dit, il s'appelle Christophe Dallance. Et j'ai envoyé une cassette de ce que je faisais dans ma chambre. Franchement, c'était pitoyable, je sais pas pourquoi. Hein. Il m'a rappelé le lendemain. Il a décelé peut-être qu'on pouvait faire quelque chose. Il m'a rappelé le lendemain, il m'a dit, il faudrait qu'on se voit. On s'est vu, il m'a dit, en septembre, parce que je vous l'ai dit, moi c'était pour septembre que je voulais commencer, il m'a dit en septembre il y aura des changements dans la radio, on va être repris, racheté, machin, donc ce serait bien si tu veux vraiment faire partie des nôtres, d'avoir déjà un pied dedans, ça pourrait t'aider, donc ce serait bien que tu commences maintenant. Et il m'a dit, j'ai un créneau le samedi matin, il n'y avait rien le samedi matin, ça commençait à midi à l'époque, il m'a dit, j'ai un créneau le samedi matin de 9h à 11h, est-ce que tu voudrais faire ça? J'ai fait ouais, j'ai même pas posé la question. Et le truc c'est que j'ai commencé 3 semaines après, du coup avec une co-animatrice qui avait postulé à la même époque qui s'appelle Chris Mondet. Et on a fait connaissance 10 minutes avant notre première émission. On se connaissait même pas. Ah c'est vraiment chacun, Radio Roots. Ouais, vraiment Roots. Et on a fait le truc, on s'est lancé, je me suis retrouvé devant un micro, j'étais pas à la réalisation donc j'ai même pas eu le trac sur le moment parce que je faisais déjà ça dans ma chambre et bon le plus dur c'est vraiment la réa. Si j'avais été aux manettes en même temps, j'aurais eu flippé. Et donc j'ai fait ma première émission comme ça et à la fin de cette première émission, il m'a dit, on a un problème, on a un animateur qui est pas là aujourd'hui à 17h, est-ce que tu peux le remplacer? Donc j'ai fait mon premier remplacement le premier jour de ma première émission. Le ton était donné. Et pour se faire une idée, alors j'ai pas pensé à ramener un son, j'aurais pu, mais on le dit à nos auditeurs, il y a un extrait de cette toute première. Ah, t'en avais mis, ouais. Ouais, sur SoundCloud. Ouais, mes 20 ans. Je pense qu'on mettra le lien sur la page Facebook de l'émission. Si vous voulez, j'ai pas mis l'extrait le plus honteux volontairement sur mon SoundCloud, c'était pour mes 20 ans de radio, j'avais dit, allez, c'était l'année dernière, j'ai dit, il y a 2 ans même bientôt, j'avais dit, allez, je remets l'extrait, et voilà, il n'y a pas de honte, c'était le début de quelque chose, en tout cas très important dans ma vie. Et alors, vous parliez de changement au sein de la radio, justement, donc c'est intervenu quelques mois après. C'est ça. Alors ça a commencé, ça s'est fait petit à petit. On a d'abord déménagé de nos locaux très très roots pour aller dans des locaux un petit peu moins roots qu'il était quand même. Mais la différence c'est qu'il y avait des toilettes et pour nous vraiment, ça nous changeait de pas aller au bistrot d'à côté quand on avait des besoins pressants. Et donc c'était en face du Grand Rex. Et là petit à petit. Il y a des gens qui n'étaient alors que consultants, qui étaient le groupe Start à l'époque, qui avait la radio Vibration à Orléans, et après, par la suite, qui ont eu plein de radios. Voilà, alors juste pour détailler, il y a eu Forum également, qui va de Orléans jusqu'à Poitiers, puis à Paris, donc Ado. Ouais, et maintenant, il y a Voltage, et il y a Latina par la suite. Mais à l'époque, la première radio qu'ils ont reprise vraiment à Paris, c'était Ado, et ça s'est fait petit à petit, c'était pas un rachat. C'est au début, ils accompagnaient, ils avaient vu ça avec Isabelle Dalle, la fondatrice, avant son décès, qui devait nous accompagner, nous aider à nous développer pour qu'il reste quand même quelque chose de cette radio qu'elle avait fondée. Et eux, c'était des fans des radios américaines, vraiment à fond. Ils passaient leur temps à New York et tout. Et ils disaient, il n'y a pas de radio hip-hop R&B, ce style-là, à Paris, comme Hot 97 à New York. Eux, c'est vraiment ça qui les faisait rêver. À l'époque, Skyrock était vraiment sur le début, mais ne l'avait pas encore vraiment fait. Et en fait, on avait un directeur des programmes qui s'appelait Bruno Vitek, qui avait été consultant pour Skyrock, qui avait commencé à leur dire, paraît-il, hein, c'est ce que dit la légende, j'ai pas vérifié, mais en tout cas, c'est ce qu'il nous racontait, qui avait commencé à dire, ce serait bien d'aller sur ce créneau-là. Et puis il s'est disputé, hop, il a repris Ado, et là, bam, on allait direct là-dessus. Alors au début, on disait rap and groove, ce qui veut pas dire grand-chose. Le mot groove à l'époque, il était mis à toutes les sauces, mais c'était le premier slogan, la radio 100% rap and groove, et on était les premiers là-dessus à passer. Bah vraiment, à l'époque, il y avait pas Internet, enfin, il y avait les débuts d'Internet, mais il y avait pas tous les sons sur Internet. Donc ils allaient aux States, ils avaient des gens qui étaient aux States, qui nous envoyaient les CD. On était les premiers sur Paris en 97 du coup, parce que ça a vraiment commencé en 97, à passer ce genre de musique. Et sans aucune com, juste en étant partenaire de quelques soirées hip-hop sur Paris, on est passé en 3 mois de l'audience de 0,1 à l'audience de 2,1. Et ça, c'était quand même un truc de fou. Au mois de juillet 1997, on a dit, les gars, vous êtes à 2-1. Alors, on savait pas trop ce que c'était, parce qu'avant, on regardait pas les audiences, on n'apparaissait pas dedans. Et on a vu que quand même, passer de rien à ça en 3 mois, c'était énorme. Et le truc, c'est qu'après, ça a continué de monter. Ça, c'était pas une erreur de médiamétrie, quoi. Ça a continué de monter, jusqu'à quelques années plus tard, dans les années 2005, par là, à atteindre 6 points d'audience sur Paris. On était, devant bon nombre de radios musicales à cette époque, quoi. C'est fou. Ce qui montre justement qu'il y avait une demande sur ce format, je pense. Ouais, carrément. Ouais, non, ils ont été vraiment bien, bien inspirés. C'était vraiment, et c'était pas encore la tendance. Limite, on a participé à l'époque, et je dis on, parce que moi, je participais. Au début, je faisais le week-end, après, je suis passé la semaine. Mais en tout cas, ceux qui étaient à l'origine de la musique qu'on passait, on crée un peu la tendance, quoi. C'est fou. Alors, je propose qu'on fasse une première pause musicale tout de suite. On va rester dans les années 90 avec des morceaux que vous avez choisis, Florian. Je suis à l'ancienne, hein, j'écoute beaucoup de vieilles choses. Hein. Vous êtes nostalgique aussi de cette époque, mais justement, tiens, juste avant de parler de ce premier morceau, vous aviez fait également une page SoundCloud sur la FM des années 90, oui, avec des enregistrements que vous aviez conservés. Exactement, j'ai plein de cassettes, tout à fait. J'avais lancé ça sur SoundCloud. Bon, je l'ai pas, ça prend du temps à faire, donc j'ai pas beaucoup fait, mais c'est vrai que c'est une grande période de la bande FM, quoi. Même avant que je commence à faire de la radio, j'ai tellement écouté à la radio, si vous saviez. Et justement, dans les années 90, sur la bande FM, il y avait un morceau qui tournait beaucoup, c'était celui de Radiohead, Creep. 1996, j'ai choisi celui-ci, vous m'avez demandé de choisir une chanson, parce que c'était la période, juste avant que je commence vraiment à parler dans le micro, c'était le début de l'année 96, ça faisait des années que je voulais faire de la radio, ça me démangeait, je me souviens, j'étais allé voir Koé à Skyrock, assister à son émission, au mois de février, je me suis dit vraiment, faut que je fasse quelque chose, et le destin a voulu qu'un mois et demi après, je commence sur Radio FM, et sur toutes les radios à cette époque, il y a ce morceau qui passait, Radiohead avec Creep. I don't belong here. Oh, so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Radiohead avec Creep sur Fréquence Protestante et dans la mécanique des ondes, choisi par notre invité Florian, qui est avec moi aujourd'hui. C'est une belle chanson, ça met des frissons. Et ça nous replonge justement dans les années 90, c'est ce qu'on disait. C'est fou le pouvoir de la musique, comment une chanson n'importe laquelle, là il se trouve que c'est celle-ci que j'ai choisie, mais ça peut rappeler vraiment une époque, les trucs qu'on vivait, et là pour moi bah, c'était l'aboutissement de ce que j'avais toujours voulu faire. Je commençais à faire de la radio, donc forcément ça met la chair de poule un peu. Alors on va reprendre justement notre route, oui. En 1997, hein, c'est ouais. Ça. Donc Ado a subi des changements, donc Rap and Groove à cette époque, et c'était juste justement le début d'une période prospère pour cette radio. Ouais, là le groupe Star donc commence vraiment à s'occuper de nous et dit on va arrêter le côté associatif parce qu'on était genre une centaine de bénévoles, il y avait beaucoup de monde, il y avait des programmes tous les jours avec des animateurs différents tous les jours du lundi au dimanche, et donc ils ont dit là on va resserrer, on va faire une radio vraiment musicale, un truc vraiment carré, et donc on va garder que 5 animateurs. Donc moi à l'époque je faisais les week-ends, donc ils avaient bien sûr privilégié à la base ceux qui faisaient la semaine parce que c'était ceux qui étaient le plus investis, mais moi je faisais mes études en même temps, je continuais la fac, et bah mon directeur d'antenne de l'époque que je remercie a réussi à me vendre un peu et à faire en sorte qu'on me garde pour les week-ends. Donc les week-ends on était 2 ou 3 au début, et donc au début bah je faisais la fac la semaine, la radio le week-end, et puis en 1998 donc j'en étais à bac+2, on me dit franchement on aimerait bien que tu fasses la semaine. C'était, et c'est payé maintenant. Parce qu'au début, c'était bénévole. On commence vraiment à rentrer dans la cour donc, des grands. Donc, ça a changé de statut également. On est passé de radio associative à radio commerciale. Alors, pas tout de suite. Officiellement, c'était radio associative avec des gens payés. D'accord. Et c'est quelques années plus tard que c'est vraiment devenu une radio catégorie B, catégorie commerciale. Ça s'est fait petit à petit. Je sais plus en quelle année, mais à cette époque-là, bon, c'est pas très important, mais il commençait à y avoir de la pub, en tout cas. Quand vous écoutiez, vous avez l'impression d'écouter une radio commerciale, en tout cas. Avec un peu moins de pub. Et donc, on me dit, on te propose le 17h-20h, et ça m'arrangeait parce que non seulement c'est l'horaire un peu star, c'est l'horaire en plus depuis que j'ai fait le plus et vraiment que j'adore, parce que les mornings c'est sympa mais il faut se lever tôt. Et donc j'ai commencé à faire ce 17h-20h, ça m'arrangeait parce que je pouvais continuer à aller à la fac la journée et à faire mon émission à partir de 17h, donc j'avais un peu une double vie. J'allais à la fac à Nanterre, il y avait juste mes 2-3 amis proches qui savaient que je faisais de la radio en même temps, et ce qui était marrant c'est que Ado commençait à être écouté dans les magasins, dans les restos, dans les fast-food et tout ça, et que bah ça me faisait vraiment très bizarre, et que quand je partais de la fac à 16h sur le parcours, j'étais obligé de passer par Châtelet pour une correspondance, et là il y avait des magasins qui écoutaient Ado, et je me disais c'est fou, dans une heure c'est moi qui suis à l'antenne, ils vont m'entendre, et là c'était vraiment, on passait un cap. Donc j'ai fait ça de 98 à 2000, de 17h à 20h, après je crois que c'était même passé jusqu'à 21h, et en 2000 j'étais toujours à la fac, et on me propose en cours d'année de faire le morning. Parce qu'il y avait un animateur qui s'appelait Lorenzo, justement, qui avait beaucoup sévi sur des ondes importantes comme Skyrock, Fun Radio et tout ça, qui était venu, il voulait un peu un animateur vedette pour faire parler de la radio. Et le truc, c'est vrai que c'était compliqué parce qu'on travaillait dans des conditions différentes de celles sur lesquelles ce genre d'animateur avait déjà bossé. Donc ça ne l'a pas trop fait. En mars, ils se sont disputés, il a jeté l'éponge et tout ça. Et on a fait savoir au directeur des programmes, avec ma pote Sandrine, qui faisait l'après-midi juste avant moi, de 14h à 17h, qu'on aimerait faire un morning. Et il a été assez fou pour dire « allez-y ». Assez fou, alors il avait rien d'autre à mettre, je sais pas. En tout cas, il nous a dit allez-y, et donc j'ai fait mon premier morning à partir de avril 2000, et donc là j'ai arrêté la fac parce que se lever à 4h30 du matin et aller à la fac, c'était pas compatible. C'était un peu une début de consécration pour vous, non? Puisque le morning quand même en radio, c'est le prime time, ce n'est pas rien. Ah mais nous on était comme des fous, hein, parce qu'on se disait ça se trouve il y a 10 foules qui va nous écouter, il va nous appeler, patati patata. Bon, personne nous a jamais appelé, mais au final on s'est éclaté. On était un peu en roulis parce qu'on avait une direction d'antenne, mais qu'il y avait aussi d'autres choses à faire, donc ils nous laissaient un peu faire ce qu'on voulait, qu'ils nous écoutaient pas tous les jours. Et donc quand je réécoute maintenant, on faisait vraiment les 400 coups, et enfin d'un côté on était pro, et bien en côté on faisait des trucs anti-marketing, genre une semaine on n'avait pas de cadeaux à faire gagner à l'antenne parce que ça tombait comme ça, et on s'est dit on va aller jouer sur les autres radios pour gagner des cadeaux pour les offrir à nos auditeurs. Ce qui fait qu'on a réussi à passer sur Fun Radio, à faire tourner la Sky Roulette sur Skyrock. Skyrock avait les dernières places à faire gagner pour le concert de Craig David à l'époque, grand artiste R&B. Il disait ouais, on a les dernières places à faire gagner. Sandrine, ma pote, a réussi à passer, à tourner la Sky Roulette, à gagner les places. Fallait aller les chercher, on est allé les chercher et on a dit Texto, on a passé l'extrait à l'antenne, on a dit, bah, ils disaient qu'ils avaient les dernières places, maintenant c'est nous qui avons les dernières places, appelez-nous. Et ça, c'est un truc de fou. La direction l'a jamais vraiment su. Je l'ai raconté à un programmateur il y a quelques temps, il m'a fait, non, c'est vrai, vous aviez fait ça, c'est un truc de fou. Et c'est vrai que c'est marrant. En même temps, voilà, on avait rien à perdre, on était vraiment des challengers, et parler de Skyrock sur une radio ado qui démarre, bah, ça pouvait, tout le monde connaissait Skyrock, tout le monde, ça ne pouvait pas nous être néfaste, en fait, et je trouve ça marrant, hein, après coup, hein, je le referais, si je pouvais. Ah, c'est très très bon, je connaissais pas cette anecdote. Et ben voilà, bah, peu de gens, je l'ai jamais raconté, mais ça m'est revenu comme ça en discutant. Voilà, bon, j'espère que la radio recevra pas des coups de fil. Bah, c'est bon, maintenant, c'est il y a plus de 15 ans. Et donc, après cette étape d'e-morning, justement, donc la suite, c'était alors retour au week-end, c'est ce que j'ai oui, noté. Oui, il y a un directeur d'antenne qui est arrivé, il m'aimait pas trop, il m'a appelé un été, il m'a dit, oui, j'ai quelqu'un d'autre pour faire le morning, donc ce que je te propose, c'est de mettre le samedi matin de 7h à midi. J'ai fait, bah j'ai pas le choix de toute façon, il m'a fait, non. Donc, bon, j'étais payé pareil, j'avais un CDI, donc je bossais que le week-end, j'étais payé pareil, déjà ça m'a consolé. La semaine, je faisais des voix, je me suis dit, est-ce que je reprends les études, et puis j'ai pas eu le courage, alors que ça aurait peut-être pu, voilà. Et puis au final, ouais, il est resté deux saisons. À la fin de la première, c'était le week-end. Il avait vraiment envie que je parte de moi-même, parce qu'en fait, le directeur des programmes, qui était plus haut, voulait pas me virer. Et au final, bah, je suis resté. J'ai eu des contacts dans quelques autres radios, mais finalement, j'ai bien fait de rester, puisqu'il y a un autre directeur d'antenne qui est arrivé ensuite et qui m'a remis au 17-20. Et là, c'était parti pour une autre phase, parce que c'était vraiment l'époque ado, l'âge d'or. C'est-à-dire ado qui commence vraiment à cartonner dans les sondages sur Paris Île-de-France. Qui est précurseur sur plein de chansons, c'est-à-dire qu'à l'époque les programmateurs, bon, on avait les morceaux qui venaient des États-Unis, on avait les morceaux français qui étaient sur des albums de certains artistes, mais qui n'étaient pas les singles officiels et qu'on s'est mis à jouer et qui passaient plus que les morceaux officiels et qui se mettaient à cartonner. Et puis surtout, on recevait des maquettes de pas mal d'artistes qui n'avaient pas encore de maison de disque. Il y a bon nombre d'artistes à l'époque qui ont commencé à cartonner sur Ado juste parce qu'on les a joués, que le morceau était bon, et qui ensuite ont signé en maison de disque grâce à Ado. Donc c'était vraiment de belles aventures, puisque de nos jours, rares sont les radios qui font ça. Et puis j'ajouterais que on a commencé à recevoir des artistes américains, parce qu'on jouait des morceaux qui cartonnaient aux States et qui ne passaient pas encore sur les autres radios en France, et que les maisons disques ne travaillaient même pas en France. Et au bout d'un moment, ils se sont dit, bah, y a peut-être quelque chose à faire. Donc on a d'abord reçu Brandy à l'époque, qui avait cartonné avec The Boy Is Mine. Donc c'est la première vraiment grosse artiste qu'on a reçue. Avant, il y avait eu Snoop Dogg, des gens comme ça, même qu'on nous avait envoyé voir aux States. C'est pas moi qui étais allé, mais voilà. Et toutes les semaines, on avait des artistes américains. Autant que des émissions comme des grands talk-shows à la télé. On a eu des Pharrell Williams. Un jour, je me souviens, Pharrell Williams qu'on connaît, qui cartonne, qui a fait Happy ces dernières années, qui devait faire un tour de Paris en bus avec plein de journalistes et répondre à toutes leurs questions en même temps, mais tout le monde en même temps. Et nous, on a dit, bon, on fait de la radio, ça nous intéresse pas de faire un tour en bus, donc tant pis, on le fait pas. Et la maison de disque a rappelé en disant, ok, bah, on va faire notre tour en bus, mais le bus va se garer en bas de la radio, il va monter, il va faire l'interview avec vous, il va redescendre. Voilà, et on a fait, Maria Carré, pareil, qui avait une interview exclue sur Énergie en 98-99, qu'un chauffeur de taxi dans sa voiture s'est mis à écouter Ado. Elle a fait, c'est quoi cette radio, je veux être interviewée chez eux. Donc Maria, c'est la diva. La maison de disque était embêtée, ils ont fait, non, on a l'exclue sur Énergie. Elle a fait, je m'en fiche, moi je veux cette radio. Ils ont appelé en urgence, est-ce que vous pouvez nous envoyer quelqu'un? La diva Maria veut être interviewée par Ado. Et du coup, la maison de disque m'a dit, mais s'il vous plaît, diffusez pas l'interview avant Énergie. On a fait, bien sûr, et puis bien sûr, on l'a passé avant. Mais ça a dû vous faire drôle quand même d'avoir toutes ces personnalités en face de vous. Ouais, franchement, ça fait bizarre. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein d'artistes qui naissaient en même temps. C'est-à-dire que je recevais plein d'artistes qui ont fait un one-shot qui après ne donnait plus de nouvelles. Et puis il y avait au milieu de ça des artistes comme Rihanna, qui a fait une de ses premières interviews avec moi sur Ado. Le truc, c'est que je pouvais pas savoir que 10 ans après elle sera encore là, j'ai même pas fait de photo. Heureusement, j'ai l'interview, j'ai le son quand même, pour prouver. Mais voilà, donc en fait, il y avait ces artistes qui naissaient avec nous, qui à l'époque nous impressionnaient pas spécialement parce que bah c'était le début de leur carrière. Et puis il y avait par contre les artistes, ceux que j'ai interviewés, ceux qui m'a le plus marqué, c'est par exemple Janet Jackson et Lionel Richie, qu'on a interviewé, parce que eux, quand j'étais petit, ils étaient déjà là. Et ils passaient déjà à la télé chez Michel Drucker et tout ça. Et là, pour le coup, c'est vraiment impressionnant de te dire, je les reçois. Et puis quand tu reçois Janet, Michael était encore en vie. Tu te dis, je suis à une poignée de main de Michael Jackson, quoi. Et alors, pendant le disque, vous me racontiez aussi une anecdote avec Amel Bent, à peu près similaire. Parce qu'il y a ça. Ado était dans le cœur des gens qui l'écoutaient. C'est-à-dire que c'était pas une radio nationale, mais sur Paris, l'Île-de-France, les gens qui écoutaient Ado, franchement, quand ils étaient jeunes, ça leur a laissé des souvenirs, et je pense qu'ils se souviennent encore des souvenirs que ça leur a laissé à cette époque. Et Amel Bent a fait La Nouvelle Star en 2004. Je la voyais chanter, et franchement, j'étais fan dès ses premières interventions. Je regardais toutes les semaines La Nouvelle Star pour voir Amel, parce que je trouvais qu'elle chantait vraiment trop bien, que c'était magnifique et tout ça. Et je me disais, en plus, sans entrer dans les clichés, elle habite La Courneuve, elle aime le R&B, je suis sûr qu'elle écoute Ado. Et quelques mois après, donc, elle n'a pas gagné La Nouvelle Star, mais elle a sorti son premier album. Elle arrive à Ado pour sa première interview. On se met devant le micro, donc voilà, je lui dis je suis fan, je me mets à parler, là on fait les essais juste avant de parler, et là elle me fait, non mais je connais ta voix. Elle fait franchement, mais je t'ai écouté toute mon adolescence, ça me fait trop bizarre. Alors qu'elle était déjà interviewée par les plus grands animateurs sur les plus grandes radios. Et on a fini par faire un concert privé ado. Et ce jour-là, elle a dit, sur scène, hein, devant tout le monde, donc des témoins, elle a fait franchement, j'ai réalisé mon rêve, j'ai réussi ma carrière. J'ai fait un concert privé ado. Alors qu'elle avait déjà fait quelques semaines avant des plateaux énergie et d'autres radios comme ça, quoi. Donc c'est, je vous dis, c'est une radio qui est vraiment rentrée dans le cœur des gens. Si vous n'avez pas écouté à l'époque, vous pouvez pas comprendre ce que ça fait. Mais c'était des années vraiment de fou. Et bah, vu les audiences qu'il y a eu, bon nombre de gens ont quand même écouté sur Paris, Île-de-France. Et c'est devenu culte, quoi, pour les gens qui écoutaient. Et alors, parlons un peu du 17-20 dont vous parliez juste avant. Alors le 17-20, vous le faisiez pas tout seul. Alors, il y a eu une autre rencontre. Ouais, c'est ça. Alors c'est avec mon pote Philou, Philippe Rossi, qui bosse maintenant à Sud Radio. On se connaissait depuis les débuts à Ado, 1996. Il a fait les infos aussi dans mon premier morning. Il faisait partie des intervenants parce qu'on rigolait bien. Et puis après, en 2003, quand j'ai repris le 17-20, il fallait un journaliste pour faire des petites chroniques, pour faire un flash et puis pour faire une chronique d'actu musicale et une autre qui s'appelait La Caverne des Horreurs où on racontait des histoires gore, trash, mais vraies. Et donc, bah, lui, il était très bien pour faire ça. Donc, avec le directeur d'antenne de l'époque, j'ai dit, j'ai pas envie que ça tourne tous les jours un journaliste différent. Ce serait bien qu'on se partage. Et donc, du coup, c'est lui qui est passé tous les jours. Et au fur et à mesure, bah, on s'est pas dit, on va faire un duo. Au début, il faisait ses chroniques. Et puis après, je lui ai dit, tiens, bah, si ta rubrique est à 45, à 30, viens faire un teasing avec moi pour me dire ce qu'il va y avoir. Et puis après, tiens, bah, là, j'ai un insert avec un auditeur. Reste avec moi pour faire l'insert auditeur. Et puis au final, au bout de quelques mois, il s'est retrouvé à faire toute l'émission avec moi, à rester dans le studio avec moi. Et on a fait 17h-20h pendant 3 ans. Ensuite, une année où c'est passé 16h-20h. Et là, on a reçu tous les artistes, bah, les histoires de Pharrell Williams, de Rihanna, de tout ça. C'est vraiment pendant ces années-là. Et puis, comme ça se passait bien, et puis qu'il y a à nouveau eu un morning, alors avec Max, cette fois-ci Max, qui était sur Fun Radio, qui a fait 1 an sur Ado, où là encore, bah, toujours le problème, on prend l'animateur vedette, mais bah, il a du mal à s'intégrer. Pourtant, lui, on lui a fait un beau studio. Hein. Grâce à lui, on a eu un beau studio. Et donc, on nous a demandé, comme ça marchait très très bien l'après-midi, et qu'on était devant beaucoup de gens sur Paris et Île-de-France, on nous a demandé de faire le morning, d'adapter un petit peu ce qu'on faisait l'après-midi au morning. Et on est parti, on l'a fait pendant 4 ans. Et la première année, ça ne marchait pas du tout. Il y avait bah, le côté Max qui avait ramené des auditeurs à lui, mais qui avait fait fuir les auditeurs d'ado. Donc on a eu beaucoup de mal la première année, on a galéré. Les gens ne savaient pas que ça avait changé en fait. On a fait un sondage une fois sur internet, on a dit « qu'est-ce que vous pensez du morning d'ado ?» sans préciser qui étaient les animateurs. Et les gens disaient « s'il vous plaît, virez Max », alors que ça faisait 6 mois qu'il était parti. Donc on a eu beaucoup de mal à reconquérir les gens. Et en avril 2008, on avait commencé en juillet 2007, on a trouvé un jeu. Alors j'ai pas trouvé beaucoup de jeux dans ma vie, mais celui-là il était cool. On avait adapté plusieurs formats qui existaient pour en faire un truc qui s'appelle le double cache, qui correspondait parfaitement à l'ADN de la radio, puisque c'était un blind test musical, donc pour les gens qui avaient la culture R&B, en même temps il y avait du suspense, on doublait ses gains à chaque bonne réponse, on pouvait continuer ou garder ses gains, mais si on avait une mauvaise réponse, hop, il n'y avait pas de palier, on perdait tout, donc on pouvait gagner jusqu'à 10 240 € si on trouvait les 10 extraits, bien souvent les gens s'arrêtaient avant, ou alors ils perdaient tout avant. On a un mec qui a gagné 5 000 et quelques là, qui a trouvé 9 extraits, et qui s'est arrêté à temps, et qui aurait gagné les 10 000 s'il avait continué, parce qu'on avait fait l'essai. Et donc ce jeu, il est devenu culte. Et ça fait vraiment plaisir. Et je pense que ça a fait... Parce que dans un morning, en fait, il faut un produit d'appel. Tu peux dire, ouais, il y a de la bonne humeur, ouais, les mecs sont sympas et tout, mais si t'as pas le produit d'appel, comme de nos jours, les doubles salaires, les machins, tout ça, ça le fait pas. Le truc, c'est que contrairement à un double salaire ou à un paye tes factures, nous, les gens qui écoutaient la radio pouvaient jouer en même temps, dans leur voiture, dans leur salle de bain. Il y avait un suspense de fou. Des fois, le jeu pouvait durer 7 minutes, parce que le mec hésitait, est-ce que je continue pas. Nous, on essayait de l'embrouiller un petit peu, de lui dire, ah, mais si tu continues pas, tu risques de pas gagner ça. Ah ouais, mais si tu continues, tu risques de perdre. Donc voilà. Et les gens, alors qu'on dit que la radio, faut que ce soit court et tout ça, et voilà, les gens, souvent, on a des témoignages comme ça, arrivaient au bureau ou à côté des cours à 8h15 et attendaient devant la fin du jeu pour avoir la fin, pour savoir si le mec allait gagner ou pas. Et donc, ce jeu nous a permis, je pense, vraiment de faire la différence. Après, le reste de l'émission était sympa. Il y avait déjà la bonne humeur. On avait le truc... moi, ce que j'aime le matin, c'est pas l'humour, c'est vraiment l'humeur. Donc après, chacun son truc. Donc, il y avait pas de sketch et tout, mais il y avait vraiment l'humeur. Et ça nous a permis d'atteindre des scores de fou. Et sans toute modestie, la deuxième et la troisième saison, on avait de la chance par rapport à la conjoncture, parce que Manu Lévy venait de commencer sur Fun Radio. Donc, il n'avait pas encore tout son capital d'auditeur. Virgin, Koé passait sur Virgin. Et Virgin, ça marchait pas du tout. Donc, on était devant Fun Radio sur l'Île-de-France, devant Virgin Radio. Donc, on disait aux gens, quand on était reçus parfois dans des rendez-vous, on est devant Koé. Les gens faisaient, ah ouais. Ils savaient pas que c'est parce que cette année-là, Virgin marchait pas. Koé, il était pas vraiment pour quelque chose. Mais on pouvait se la raconter ces années-là. Et c'était, ce morning, franchement, on en parle encore maintenant. Pour les gens qui écoutaient, il y avait ce côté double cache, ce côté humeur qui plaisait et qui a fait que pour les gens qui écoutaient, c'était un peu culte. Alors, on n'était pas sur une grosse radio. J'ai toujours fait des choses un peu... aussi bien sur Latina par la suite, on en parlera, que sur Ado. Je suis arrivé sur des radios personne n'y croyait à la base, et il s'est avéré que bah, elles se sont mis à cartonner, et c'est pas du tout, enfin c'est des radios qui à chaque fois faisaient la différence. C'est ça aussi qui est important de nos jours, c'est pas en copiant les autres qu'on arrive forcément à faire des choses, parce que de toute façon si on passe du énergie, on fera jamais aussi bien qu'énergie avec les mêmes stars, les mêmes animateurs et tout ça, donc autant essayer de faire la différence. Et oui, et puis ça avait bien duré comme morning, puisque ça avait tenu 4 saisons, ouais, ouais. C'est ça. Et on a arrêté au bout de 4 saisons parce qu'on était fatigué, et voilà, sinon ça se trouve, je sais pas si on y sera encore, mais bon, ça marche, ça continue de marcher et les gens aimaient bien, mais on ne pouvait plus se lever très tôt le matin, on a dit on arrête. On a prévenu au mois de mai, on a dit en juillet on arrête, et ils ont dit merci de nous avoir prévenu à temps. Alors on va faire une deuxième pause musicale tout de suite, ouais. On va rester dans ces années R&B d'ado, ouais. Avec un morceau qui vous tient à cœur, hein, parce que c'est un morceau que vous avez choisi, je vous laisse nous en parler. C'est un morceau alors qui date de 1998, qui date donc du tout début de la période où ado commençait à marcher, cette période où j'allais à la fac en même temps, où je faisais de la radio le week-end et le soir, et les débuts du R&B vraiment en France, il n'y en avait pas trop. Des radios qui passaient ce genre-là, parce que ado, alors fallait pas confondre avec Sky, on passait pas de rap pur et dur, on était vraiment une radio de lover, hein. On passait les Boys to Men et tout ça, et ce morceau, vous allez le constater, c'est un peu un morceau de lover, il est trop beau, tellement beau qu'on l'a passé quasiment toutes les années ado, et on le passait plus à l'époque où j'ai quitté ado, mais j'ai demandé au programmateur de me le mettre pour ma dernière intervention, donc là encore, ça marque quelque chose, ça marque une boucle qui est bouclée, c'est Kessie et Jojo en 1998, et c'était All My Life. Instant Love et R&B en 98. Morceau choisi par Florian, invité de la mécanique des ondes. C'était Kessie et Jojo, All My Life. Oui. Alors, On va quitter donc Ado avec ce morceau. Ouais. C'est ce que vous nous disiez justement. Ah oui, c'est le dernier morceau que j'ai passé sur Ado. Voilà. Pour en deux, alors pour à partir de la rentrée 2013, voler vers de nouveaux horizons. Enfin, pas trop loin puisqu'on est toujours dans le même groupe. Exactement. Latina. Voilà, ça faisait... Alors j'avais arrêté le morning 2 ans avant, je savais pas trop quoi faire après le morning, ce que je savais c'est que je voulais plus me lever le matin, donc j'ai commencé un peu à faire des remplacements pour les différentes radios du groupe, c'était marrant la première année après le morning, et puis ensuite je suis revenu pleinement sur Ado avec un créneau l'après-midi la deuxième année, 2012-2013, mais bon c'est vrai quand on a fait le morning, en plus je l'ai fait deux fois, quand on a tout fait, j'étais à bout de souffle sur Ado, et voilà, j'ai fait savoir que bah, s'il y avait d'autres opportunités dans le groupe, je serais opérationnel. Je pensais plutôt à Voltage pour lequel j'avais fait des remplacements. En plus, ça s'était bien passé. Jamais j'aurais pensé à Latina. À l'époque, j'écoutais pas vraiment Latina à part dans les couloirs en passant. Et mon directeur d'antenne me convoque à la fin de la saison 2013 et me dit « Ferme la porte, s'il te plaît. J'ai un truc à te proposer. » Il fait « Tu te doutes pas de ce que je vais te proposer. Je te propose le 16h-20h sur Latina à la rentrée. Il y a une opportunité. Il y a quelqu'un qui se barre. Patati patata. » Et j'ai fait « Mais moi, sur Latina, mais je parle même pas espagnol. » Il me fait « Non, non, mais Latina, c'est pas ce que tu crois. De nos jours, ça s'est vachement démocratisé. Tu dis caliente fiesta, ça suffit. Faut être de bonne humeur, faut envoyer du soleil aux gens. C'est ce que tu fais, ça fait partie de ta personnalité. Je te vois trop bien. En plus, le créneau 16h-20h, c'est cool. On va parler de voyage. Tu pourras te connecter avec des globetrotters aux quatre coins de la planète. » Et ce que je savais pas encore, c'est que j'allais aussi, de temps à autre, partir moi-même en voyage, faire mon émission au soleil pendant une semaine et être comme ça un peu à droite, à gauche, aussi bien sur un bateau que sur une plage, que dans un marché, voilà. Donc et ça, bon, on me l'avait pas vendu à la base, donc c'est pas pour ça que j'ai accepté. Mais c'est un truc que j'avais jamais fait en radio. Ado, le truc le plus loin où il m'avait envoyé, je crois, c'était une fois le Parc Astérix, une fois l'Aqua Boulevard. Et encore, c'était au début. C'est un peu comme une promotion, quoi. Bah, c'est pas une promotion, mais c'est presque vraiment un autre exercice. Donc j'ai dit oui, hein. Je me suis dit, en plus, 16h-20h, c'est vraiment ma tranche préférée. Et à ce jour, c'est la tranche que j'ai le plus fait en radio. Et donc, bah, voilà, j'ai commencé en septembre 2013, un petit peu fébrile. Je me souviens, parce que j'écris jamais mes speaks, mais pour ma première sur Latina, j'avais tellement peur, j'avais tout écrit. Mais au bout de trois speaks, je me suis bien senti et j'ai lâché mes papiers parce que de toute façon moi je fais partie de... il y en a qui sont très bons en écrivant, moi je fais partie de ceux qui sont j'arrive pas, quand j'écris ça s'entend trop que je lis quoi. Et donc j'ai commencé Latina et bah franchement je me suis senti bien, c'est une musique que je connaissais vraiment pas trop à la base, mais l'ambiance est cool. Et puis au bout de quelques mois on m'a dit ça te dirait de partir une semaine en Martinique faire ton émission? J'ai fait bah oui. Alors, ce que je dis toujours, c'est que c'est pas du tout des vacances quand on part. C'est génial à faire, mais ça a rien à voir avec des vacances parce qu'on est toujours sur le qui-vive à chercher des idées, tout ça, et voilà. Mais c'est un exercice de radio que je n'avais jamais fait et qui est super intéressant parce que, bah, on est dehors. On part avec la prog, donc j'annonce quand même la musique, il y a quand même les rendez-vous habituels, je fais quand même la météo à Paris, mais en même temps je suis ailleurs, j'interview des gens, donc je peux être sur un marché de Fort-de-France, je peux être devant une pyramide au Mexique, dans le Yucatan, je suis parti en République Dominicaine, je suis parti au Costa Rica dernièrement, là au mois de novembre, et j'en ai aussi fait une autre, j'ai fait Cuba aussi. Et donc, bah, au-delà de voyager, de découvrir des pays, des endroits où j'étais jamais allé, faire de la radio dans ces endroits et dans ces conditions, c'est pas juste on se met au bord de la piscine avec une table, un micro, et on fait l'émission comme d'habitude. C'est vraiment aller à la rencontre des gens, faire découvrir les ambiances, et bah, c'est un truc de fou, quoi. Et les gens sont là, nous écoutent, on prend des photos, des vidéos, et le but n'est pas de les narguer, mais vraiment de les dépayser, de leur faire découvrir des endroits. Et c'est encore d'actualité, enfin, peut-être pas pour les déplacements, mais pour Latina, le 16h-20h, vous y êtes toujours. Ouais, bah déplacement, j'ai fait le Costa Rica encore au mois de novembre, et 16h-20h, j'y suis. On démarre une nouvelle session, là, qu'on appelle la Casa Latina, entre 17h30 et 19h, cette semaine, pour ce mois de janvier, où on va passer, là, pendant 90 minutes, avec un minimum de pub, tous les gros fondamentaux, les plus gros classiques de Latina, les plus gros hits de Latina. Et puis, je continue de me connecter aux quatre coins de la planète, à voir le classement, le Hot Latina, et accompagner les gens avec l'infotrafic quand ils rentrent chez eux. Alors, petite parenthèse, on va sortir un petit peu de la radio pour parler d'une autre activité que vous avez sur Internet, ouais. Sur YouTube. Alors là, on n'est plus du tout dans le micro, on est plus dans la nourriture, ouais, avec votre ça. Chaîne YouTube Florian On Air. Si vous pouvez nous en parler un petit peu rapidement. Bah, j'ai commencé ça il y a deux ans maintenant, il y a pile deux ans. 1er janvier 2016, je me suis dit, en plus de la radio, parce que j'aime bien créer, enfin essayer des nouvelles choses, je ne suis pas du tout de la génération YouTube, mais je me suis dit, je vais publier des vidéos, on verra bien s'il y a des gens qui les regardent. Au début, personne ne regardait, j'avais 70 vues par jour. Je m'étais fixé le challenge de faire une vidéo par jour pendant un an. Et puis, bah, magie de YouTube, au bout de quelques mois, ça s'est mis à marcher. Et là, bah, deux ans après, j'ai plus de 280 000 abonnés, j'ai plus de 65 millions de vues, j'ai des vidéos qui ont cartonné. Et du coup, bah, ça me fait un peu un deuxième taf à côté. Du coup, j'ai continué, hein, comme ça marche. Et je publie une vidéo tous les jours à 18h, dans lesquelles je teste des cuisines du monde, dans mes voyages ou sur Paris, parce qu'on a la chance d'avoir pas mal de restos. Je teste des fast-food, des concepts de restauration. Je vais avec des abonnés, je reçois des artistes aussi désormais. Donc, c'est devenu vraiment une activité parallèle. Je pensais pas que ça marcherait comme ça à la base quand j'ai commencé. Et pour preuve, la chaîne YouTube Florian Honner est citée récemment par Anou Paris parmi les 5 chaînes YouTube indispensables pour redécouvrir Paris. Oui, ça fait plaisir. Bah oui, à côté de Ina Paris, du musée du Louvre, ils m'ont mis moi, quoi. C'est fou. La mécanique des ondes. Nous arrivons bientôt au terme de cette émission. Florian, on va terminer avec le questionnaire rapide. Aucun invité n'y échappe. Alors, pour commencer, Florian, une personnalité de radio qui pourrait être votre modèle? Un modèle est peut-être un bien gros mot, mais celui que j'ai vraiment beaucoup écouté dans mon adolescence, c'est vraiment Arthur. Sur Fun Radio, sur Europe 1, sur Europe 2. C'est un gars, il peut avoir, même, il prépare pas beaucoup ses émissions, mais à partir d'un truc qui lui est arrivé dans la rue, il peut vous faire une émission entière avec des rebondissements, du suspense et tout ça. Et c'est vraiment une sorte de radio qu'on retrouve plus trop maintenant. Et franchement, pour ça, respect, quoi. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence? Mon enfance, bah, je vous ai dit tout à l'heure, j'écoutais beaucoup les radios périphériques. Après, j'ai écouté beaucoup Skyrock et Fun Radio. Et parallèlement, la radio qu'écoutaient les enfants à l'époque, c'est Super Loustic. Ah oui. Qui passait des génériques de dessins animés et pas que, et voilà. Quelle radio vous réveille le matin? Maintenant, je dors le matin depuis que je fais plus le morning, mais j'apprécie beaucoup ce que fait Bruno Guillon sur Fun Radio. Je trouve que c'est un bon morning. Et j'écoute aussi Nostalgie parce que je deviens un ancien et eux, ils rajeunissent, donc voilà. Quelle radio vous endort le soir? Franchement, j'écoute plus vraiment la radio le soir. Des fois, je zappe un peu sur ce qui se fait, sur les talks pour savoir ce qui se fait, mais j'écoute plus vraiment comme quand j'étais jeune où là, j'écoutais jusqu'à très très tard Super Nana et tous les talks des années 90. Un endroit où vous écoutez toujours la radio? J'écoute quand je marche, de chez moi au métro, parce que je conduis pas. Ça, oui, j'écoute. Ça fait partie des endroits où j'écoute. Un endroit où vous ne l'écoutez jamais? Oh, y a pas d'endroit où j'écoute jamais la radio. Il y a toujours un endroit où... Enfin, il y en a pas. J'écoute un peu partout quand même. Votre meilleur souvenir de radio? Bah, je vais dire que c'est la première fois où j'ai fait de la radio sur une radio. Je vais dire 30 mars 96. Et après, il y en a eu plein des bons souvenirs, mais c'est vraiment une période charnière parce que du coup, j'ai eu la chance depuis le 30 mars 96. Je n'ai jamais arrêté de faire de la radio. J'ai jamais eu de break pour l'instant. Donc voilà. Et alors, le pire souvenir de radio? Il n'y en a pas vraiment de pire. Bah, je vous parlais tout à l'heure d'un directeur d'antenne qui ne m'aimait pas à une époque, vers 2002. Et un jour, on réécoutait l'émission qu'on avait fait le matin. Et moi, j'ai un rire assez particulier, j'avoue, qui peut être énervant. Et lui, il avait une grosse voix. Et il a dit « Arrête-moi la pige, là !» Et j'ai fait, il fait « À partir de maintenant, tu m'enlèves ce rire. Et c'est un ordre. » Et j'arrivais pas à enlever. Mais comme il habitait un peu loin, il pouvait pas nous écouter le matin. Et avant les écoutes de pige, on passait au montage et on coupait les endroits où je riais. Mais bon, 3 semaines après, il m'a mis au week-end. Et enfin, un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait faire de la radio? Ah, c'est difficile de donner des conseils, c'est un petit peu prétentieux, mais déjà, écoutez beaucoup la radio, entraînez-vous chez vous, faites de la web radio, et essayez d'avoir ça en vous. Je pense que si vous l'avez pas en vous, à la base, ça sera compliqué de développer la chose. Faut vraiment avoir la passion, le verbe et avoir beaucoup, beaucoup écouté la radio. Eh bien voilà, merci Florian, en tout cas pour... Merci Eddy, c'était super, ça fait plaisir de parler de radio. Bah ouais, ça pourrait durer plus longtemps, je pense. Bah on continue en antenne. Bah pas de soucis. En tout cas, merci à vous d'avoir été à l'écoute de cette Mécanique des ondes, la première de 2018. Rendez-vous dans un mois avec un nouvel invité radiophonique. D'ici là, n'oubliez pas que l'émission est dispo en podcast sur fréquenceprotestante.com et sur lamecaniquedesondes.com.